Je voudrais revenir rapidement sur le futur et le conditionnel. Comme vous le savez, le son qui définit ces deux temps, c'est le R de l'infinitif. Pour le futur, on reprend les terminaisons du verbe avoir. Rappelez-moi comment on dit j'ai. Oh. Oh, oui. Comment dit-on tu as? Aïe. Aïe. Et il a ou elle a, comment dites-vous ça? Ah. Ah, c'est ça. Et dites-moi, ils ont ou elles ont? Hanno. Hanno, oui. Donc, nous avons o, ai, a et hanno. Ensuite, il suffit d'attacher ces formes avec le h en moins au r de l'infinitif pour obtenir le futur. Si par exemple, vous vouliez dire « je partirai », qu'est-ce que ça donnerait? Partirò. Partirò, oui. Que ce soit au futur ou au conditionnel, je vous rappelle qu'il faut absolument insister sur la terminaison, comme vous venez de le faire. Partirò. Et maintenant, dites-moi « il partira ». Partirà. Partirà, c'est ça. Et « tu partiras » se dira? Partirai. Partirai, oui. Comment dit-on « ils partiront » ? Partiranno. Bien, partiranno. Maintenant, « nous partirons » se dit? Partiremo. Partiremo, oui, partiremo, E-M-O à la fin. Il faut faire bien attention en prononçant à faire la distinction entre le futur et le conditionnel. Parce qu'au futur, on a « remo » avec un seul « m » et au conditionnel « remo » avec deux « m » qu'il faut prononcer bien distinctement. « Remo ». Alors, comment dit-on « nous partirions » ? « Partiremmo ». « Partiremmo », c'est ça. Par contre, « nous partirons » ? « Partiremo ». « Partiremo », tout à fait. Et « tu partiras », comment diriez-vous ça ? « Partira », non, « partirai ».« Partirai », oui. Et pour « voi » ? Le futur, je vous le rappelle, était formé au départ sur le verbe « avere », « avoir ». On disait « partir j'ai »,« partir tu as », etc. Dans notre phrase, on aurait dit « partir vous avez », c'est-à-dire « partir avete ». « Partir avete », qui, avec le temps, a fini par donner « Partirete ».« Partirete », très bien. Maintenant, comment diriez-vous « nous te le dirons » ? Pour retrouver « te le », nous allons partir de « me le ». Dites-moi « il me le dit ».« Me lo dice ».« Me lo dice », d'accord. Et en suivant le même modèle que pour « me le », dites-moi maintenant « nous te le dirons ».« Te lo diremo ».« Te lo diremo », bien. Et « nous vous le dirons », si vous, vous voyez votre interlocuteur, ça donne quoi ?« Vo ».« Me le », c'est « me lo ».« Te le », c'est « te lo ». Donc, « vous le » va se construire sur le même modèle. Mais avec une particularité, rappelez-vous, c'est le « et » qui fait le lien entre les deux mots. Alors, ça va donner « li »,« lielo ».« Lielo », oui. Et donc, « nous vous le dirons » va donner « lielo diremo ».« Lielo diremo », absolument. Par contre, nous le lui dirions, comment dites-vous ça? Glielo diremmo. Glielo diremmo, c'est ça. Donc, vous voyez que vous le vouvoiement, et le lui donnent la même chose. Glielo, qui est la contraction soit de le plus lo, soit de li plus lo. Selon le même principe, comment diriez-vous? Nous le lui donnerions. Glielo daremmo. Glielo daremmo. Très bien. Maintenant, comment diriez-vous « quand partirez-vous » si vous vous adressez à un groupe de personnes, donc à voi? Quando partirete? Attention, un seul T. Partirete. Partirete. Quando partirete? Oui. Et quand le ferez-vous? Si vous vous adressez à un groupe de personnes, ce sera? Quando lo farete? Quando lo farete? Oui. Et comment dites-vous la même chose en vous voyant votre interlocuteur? Quando lo farà? Quando lo farà? Bien. Quand le feras-tu? Se dira? Quando lo farai? Quando lo farai? Très bien. Et comment direz-vous quand le feront-ils? Quando lo faranno? Quando lo faranno? Tout à fait, oui. Dites-moi maintenant, il me dit qu'il ne le fera pas. Commencez par il me dit. Mi dice. Mi dice, bien, qu'il ne le fera pas. Che. Il ne le fera pas. Non lo farà. C'est ça. Mi dice che non lo farà. Alors, je récapitule. Au futur, on a les terminaisons ro, rai, ra, ranno et aussi remo et rete. D'accord? Et pour le conditionnel, dans la phrase « je le ferai si c'était possible », comment dit-on « je le ferai » au conditionnel donc? Lo farei. Lo farei, oui. Et il le ferait, se dit? Lo farebbe. Lo farebbe, absolument. Comment dit-on il le ferait au pluriel? Lo farebbero. Lo farebbero, oui. Et nous le ferions, comment dit-on ça? Lo faremmo. Lo faremmo. Avec deux M. Ensuite, le tu. Tu le ferais? Comment diriez-vous ça? Lo faresti. Lo faresti, oui. Donc, pour tu, au conditionnel, on a la terminaison resti. Et pour voi? Lo fareste. Oui, bien. Lo fareste. Donc, on a resti pour tu. Et restez pour voi. Et il faut bien veiller à ne pas confondre les deux formes.